Bonjour les amis. Non. Bonjour. Alors vous me connaissez, je suis un garçon simple. C'est vrai, pour ma Noël, j'ai reçu du riz. C'est vrai, c'est des trucs sans prétention. J'aime bien le bruit de l'urine quand elle heurte le fond d'une cuvette. Je demande pas la mère, c'est vrai. Mais là, j'ai un nouvel objectif dans la vie, les amis. Ouais. Quoi, réussir une chronique correcte? Mais tu es complètement inconscient, Ernesto. Fixe-toi des paliers que tu peux atteindre. Commence par engager un auteur, ou mieux, un orthophoniste. Non, non, pas du tout, bande de ville taquin. Mon nouvel objectif dans la vie, figurez-vous, c'est d'écrire un statut Facebook bien racoleur, style « Les politiciens sont tous des menteurs dans leur tour d'ivoire où ils nous volent en sus de leur comportement sodomite constant. » Et là, attendre les commentaires genre « Tellement vrai ! Enfin un humoriste engagé qui ose dire les choses !» Et puis complètement modifier mon statut Facebook. Et écrire « L'État islamique est la solution à tous nos problèmes. » Avec les commentaires « Tellement vrai !» en dessous. Juste pour déstabiliser deux secondes les gens dans leur certitude. Parce que j'en peux plus des certitudes, ça me donne envie de crever dans une niche de chien. Franchement, je me sens tout nul quand je vais sur les réseaux sociaux. J'ai jamais d'avis tranché sur rien et les gens ils ont des avis tranchés sur tout. Comment ils font pour avoir autant d'expertise et moi zéro? Alors qu'on me comprend bien, je sais que j'ai régressé intellectuellement depuis que je suis dans cette émission. Forcément c'est pas en parlant bagnole et viande crue avec les Leïla toutes les semaines que je vais rentrer à l'Académie française, ça c'est clair. Sans compter les ravages des soi-disant vitamines en poudre que Nagui m'oblige à prendre dans son bureau. Et je critique pas un patron, vos prix c'est les prix du marché. Voilà, en plus j'ai pas besoin d'attendre deux heures à dealer, etc. Je crache pas dans la soupe. Mais bon, là le monde est devenu trop intelligent pour moi. Les gens ils ont des opinions définitives sur des tas de sujets immensément complexes. Alors que moi, c'est rare les fois où je suis sûr. Vraiment, il y a des trucs, voilà, genre les nazis, par exemple, là, je suis formel, quoi. Blablabla, les progrès dans les moteurs automobiles, etc., tout ce que tu veux. Mais moi, les nazis, je trouve que c'était pas ouf, quoi. Vraiment, 100%, j'ai un avis tranché. Ouais, je trouve que c'était pas ouf, les nazis. C'est risqué, en même temps. C'est vrai, il y a deux, trois autres trucs comme ça où ma religion, elle est pas faite. Genre le mélange pluie et vent à Paris, j'aime pas. Je suis sûr, je suis contre. Les moustiques séropositifs, j'aime pas. Je suis contre. L'hygiène, et encore l'hygiène de Daniel Morin. Et encore, qui dit qu'un jour Daniel va pas se dire fuck le quand dira-t-on, qui t'a choqué aujourd'hui, voilà, je me lave, ça peut arriver à Daniel. Non mais c'est vrai, genre il y a une promo magique sur le pousse-mousse chez Intermarché, l'accident bête. C'est vrai, Daniel se rue dessus, bim boum, qui une douche, qui un bain, ça peut arriver. Eh ben, du coup, les cartes de l'organisation sanitaire personnelle de mon collègue seraient redistribuées. Il faudrait remodeler ma pensée et me forger une autre opinion. Why not? Mais on dirait, il n'y a plus de place pour l'incertitude aujourd'hui. Genre hier, j'écoutais l'interview politique de Jean-Michel Apathy avec le chef des Républicains à l'Assemblée. Et Apathy lui demande, est-ce que vous réclamez la démission de Gérald Darmanin? Très belle imitation. Ouais, c'est mes deux points forts dans la live. L'élocution et les accents, c'est mes deux points forts. En tant que belge, Cécilie Apathy, c'est le max. J'apprends des tas de trucs sur la politique française, mais j'ai quand même l'impression d'écouter Patrick Bosseau. Ça déchire, franchement, c'est vrai. C'est vrai. Et je sais que ça sonne pas exactement pareil, mais pendant 40 ans, vous avez écrit en Belgique, on parlait tous comme ça. Une fois, donc, ne froissez pas les couilles avec vos nuances d'accent. Bref, Apathy le chauffait sur Darmanin, mais le mec des Républicains, il n'arrêtait pas de lui répondre. Gérald Darmanin doit prendre sa décision en âme et conscience avec le président de la République. Et Apathy, il le lâchait pas, il lui faisait, mais vous ne répondez pas à la question, quelle est votre position, doit-elle démissionner? Attends, si je prends pas un César pour mon imitation d'Apathy, c'est un scandale. Mais il est pas chinois, Jean-Michel Apathy, sur lui. Ah oui, c'est vrai, puis il est chinois. Pas la molaire. Et doit-il démissionner ou pas? Bref, c'était interminable. C'était interminable. J'aurais tellement voulu que le mec des Républicains lui fasse, mec, je vais te dire la vérité, en fait, j'en sais rien. J'ai pas d'avis, je sais pas, il y a du pour et du contre, c'est complexe comme dos, tu vois. Tu sais s'il est coupable, toi, j'en sais rien, moi. Viens à la cantoche, on discute, on boit un lait, tu vois. Enfin, un truc. C'est vrai, il y a trop de certitudes aujourd'hui, on boit du lait, c'est vrai. Mais en ce moment, tout ce que je sais sur plein de trucs, c'est que je sais rien sur plein de trucs. Allez, sur ce, je vais voir un orthophoniste. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume Guise.